que vous dites n'est pas faux. Ce que vous dites n'est pas faux, mais bon, nous avons stoppé tout de suite avant l'arrivée de la presse. Presse la presse est déjà venue avant quand même. Ouais. Alors, je vais vous expliquer aussi le mode d'emploi pour savoir si votre camarade, si la personne que vous avez envie, disons, de sonder est raciste, oui ou non. Parce que les gens ne disent pas franchement qu'ils sont racistes. Ils disent oui, il y a trop d'étrangers, il y a ci, il y a ça. Mais ils disent jamais oui, je suis raciste. Alors, il y a un petit sondage à faire. Vous allez voir quelqu'un et vous lui dites, affolé, dis-moi, il y a un truc que j'ai vu à la télé. Ils vont arrêter tous les juifs et tous les coiffeurs. Et si l'autre vous répond, et pourquoi les coiffeurs? C'est que le mec est raciste. C'est qu'il est raciste. Parce qu'il trouve qu'on arrête les juifs, et il trouve normal qu'on arrête les juifs, mais pas les coiffeurs. Bah, mon alors, coiffeur à moi, il est juif, noir et homosexuel. Qu'est-ce qu'on en fait, chérie? Et cul-jatte. Et pas encore, mais ça va venir. Ça ne serait tardé. Voilà. Alors, nous allons tout de suite passer un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Salut, David. L'introduction a été assez longue aujourd'hui. Hein. Très longue, mais on utilise certains aliments qui font péter, ce qui fait qu'on a l'anus assez défoncé, là. C'est bon. Ah bon, d'accord. Très ouvert. Très ouvert. Ok. On attend votre visite. Et vous laissez échapper quelques gaz? Ah, quelques-uns, oui. Oh, plus de quelques-uns. Quelques flatulences? Non. Des dents pas très bons, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous mangez? Ah ben justement, alors... Attendez, quel est le prénom déjà? Alors moi c'est Jean-Marc, et mon copain c'est Laurent. Et tu as quel âge? Alors moi j'ai 18 ans, et mon pote a 19 ans. Alors, alors les aliments, alors on prend... on sélectionne un petit peu, dirons-nous. Abdullah Fondullah Bessali Brossa. Ça commence... Il a sélectionné, ça, il a sélectionné, ça commence bien. Non, t'arriveras pas à les faire comme moi. Hein. Ça c'est pas sûr. Regarde, écoute. Ensemble, mais tu peux... Attends, écoute, je vais t'en faire un sublime. Est-ce que vous pouvez mettre un peu d'écho, s'il vous plaît? Voilà. Voilà, je vais t'en faire un sublime. Vas-y. C'est mort. Ah, bravo, là, génial. Non. Voilà. Bon, alors donc, nous. On prend un petit peu n'importe quoi comme bouffe, enfin des bouffes assez sales quand même, alors par exemple... Un peu crade. Non, dégueulasse. Alors on prend par exemple des haricots blancs à la sauce tomate. Vous pouvez prendre aussi du Friskies, hein. Ouais, mais les Friskies c'est pas assez cher encore. Ah, je te dis pas, quand je file du Friskies ou du pain à filer à mon chien, je te dis pas comment qu'il gaze après, hein. Non mais vous les mangez froids ou chauds les haricots? Parce que froid ça marche mieux. Hein. Ah chaud, mais alors donc... Ah froid ça marche mieux. Donc tu as un bon conseil là, on essaiera la prochaine fois. Voilà. Mais alors sinon on a surtout repéré une marque de purée géniale, alors ça se trouve dans les Intermarchés, c'est la purée Marty. Ah non, c'est trop beau. Elle est à conseiller celle-là. On en mange, un petit sachet, et 3 heures après, on balance de ces caisses mignonnes. Mignonnes, les caisses. Et le tout à l'égout commence à s'ouvrir. Ah, celle-là, ça tombe. Non, ça s'appelle un tout au dégoût. Tout au dégoût, oui. Un tout au dégoût, oui. Tout à fait. Et les trous du cul sont bien, ça va, il y a toujours 36 plis. Lustré, il y a tous les 36 plis. Les 36 plis cher à Salvador Dali. Tu te souviens qu'on a fait une émission fabuleuse, un hommage à Salvador Dali, qui est référentiel, qui maintenant est un document à l'ENA. Oui, j'avais entendu, hein. Et c'est excessivement important parce que c'est référentiel, c'est artistique, non? Mais les 36 plis sont... Tu les as comptés? Pas encore. T'as compté jusqu'à 30? T'as compté ceux de ton copain? Moi je suis arrêté à 12. Il y en avait 6 à l'intérieur. C'était plus des trous, c'était des crevasses. Ben non, mais enfin écoute, moi j'étais par Haroun Taziev qui est mon meilleur gynécologue et qui est celui de Pascal également. Commandant Cousteau a donné son avis, et puis vraiment, c'est... Non, mais moi, vu tous les mecs que je me suis fait qui n'étaient pas jeunes, c'était 20 000 vieux sous les mers. C'est pas 20 000 vieux sur ta mère, non? Oh, bah ma mère n'y est pour rien. La pauvre femme. Non, encore qu'elle me repassait ses clients, quand même, j'oublie pas. Quand j'avais 14 ans, elle me repassait ses clients. Ça commence bien, non, le ton est donné, vraiment, il ne faut pas nous... Le plan. Alors Jean-Marc et Laurent, à part les flatulences anales que vous envoyez, quelles sont votre vie sexuelle? Parce que vous êtes quand même dans une certaine misère sexuelle. Ouais, quand même, faut avouer. Ouais. Hein? La misère sexuelle. Là, pour en arriver là, faut vraiment être très, très misérable. Ouais, il y a un peu de ça, faut avouer, même beaucoup de ça, dirons-nous. C'est les Thénardier et sans Cosette, hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le... Oui. Rachid! Ah si! Elle est sourde! Rachid. Non. Non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le petit physique? Moi je fais 1m80. Pas oui. mal, pas mal. 77 kilos. Ouais. Châtain. Mmh. Les yeux verts. Est-ce oui. que tu es beau? Est-ce qu'il y a des tombous sur la lug? Ça bourgeonne de temps à autre. Ah, ah. Oui, bon. C'est le printemps, c'est le printemps. Ah oui, c'est pas, ça reste pas trop longtemps. Non, c'est passager, dirons-nous. Très bien. Sinon, ça fait pas ordinateur. Quand même pas, non. Centrale téléphonique. Non, c'est centrale nucléaire. Quittez pas, je vous passe Los Angeles. C'est la centrale nucléaire. Et sous les boutons, c'est bien? Ah bah attendez, il y a un bouton blanc là. Il y a un bouton blanc d'alarme. Il faut on appuie dessus, on vous passe mon bœuf, je vous ai dit. Salut, bonjour. Waouh. Ouais, sous les boutons, c'est bien? Bah c'est moyen. Soyons modestes. Est-ce que c'est un problème pour draguer lorsqu'on a des boutons sur la gueule? Ah bah moi je peux pas te le dire, Bah tu en as eu des quelques fois, non? Non, pas vraiment. Non. Et dans le dos? Dans le dos, non, ça va. Quelques-uns. C'est... Tu sais maintenant les boutons, ma petite Zaza? Bon, nous n'en avons pas, ça mais bon nous savons souffre, de quelle façon... Ça, les gens souffrent beaucoup. Ça, il y a vraiment un grand problème. Des gens qui ont des boutons. Voilà. Et ça, tu vas avoir un bouton mais dans même le fond. Mais même ça vient du foie. Il faut te laver tout le temps au savon, au soufre. Ça a Et il faut que tu avales un peu de pétales de rose parce que là tu pues vraiment de la gueule. Oh le sang. Bah, je suis passé au cimetière tout à l'heure là, j'ai léché quelques tombes. Tu bouffes pas des savonnettes hein mon garçon. J'ai trouvé un dentifrice assez sympa. C'est au camembert. Ah alors, c'est bien. Et sinon oui, tu as brise d'anus. Chaque matin ça me fait des chicots assez noirs quand rencontrer la mort, c'est sympa. Voilà. Ça m'étonne pas que vous soyez dans une certaine misère sexuelle parce que quand même le vous n'avez jamais joui encore. Avec un partenaire ou une partenaire? Personnellement, non, mais Laurent, oui. Laurent. Vous aimez les filles? Ah ouais. Les filles. Oh. Ils les aiment en photo. Pour l'instant, ils peuvent pas les approcher. Ils peuvent pas les approcher. Ils leur font pas de mal comme ça. Vous savez que vous avez la foire du trône qui est ouverte là. Si vous voulez, vous pouvez. Il y a pas faire... de ça qui est ouvert. Hein. Un petit stand. Rachid. Allô? Allô? Yes. Bonjour. Vous êtes deux petits salauds? Yes. Parce que vous voulez faire des saletés aux jeunes filles. Et la jeune fille ne mérite pas ça. Voilà, vous faites. C'est d'autres rudes. Je reviens tout à l'heure, je vais faire pipi. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous trouve, la bande d'endives? Si tu peux nous trouver quelque chose, style un sac poubelle ou... Mais vous arriverez même pas à baiser même. Un clébard qui pète assez souvent, ça nous intéresserait. Une chèvre avec un sac à main, un chien avec un chapeau sur la tête. Ouais, ça, ouais. Un vélo sans selle. Ouais, voilà. Une roue. De toute façon, on l'a déjà. Tiens, on est déjà équipé. J'ai envie de péter dans votre gueule. Tiens, cours après, peins-le en bleu. Tu veux une caisse, là? Ça y est, je l'ai envoyé. Tu veux une caisse? Tiens, cours après, celui-là, il va t'arriver. Tiens, il y en a un qui arrive, là. Oh, je te dis pas, ça sent bien le mazout, hein. Oh là là, non. Alors quel ton lit, il a encore fait un petit, si tu veux. Ah, il est chouette. Bah, dis donc, David, hein, tu te venges chez lui. Tire un petit peu, là. Regarde bien ton trou du cul, maintenant, tu dois avoir 5 cm d'intestin qui a dû décoller. Non, mais parce que quand tu te forces à péter, t'es obligé de pousser. Et je crois que t'as la galette au cul qui a dû faire une trace de pneu dans le fond du ben. Moi, je trouve, pour des mecs qui ont beaucoup travaillé la question, apparemment c'est le cas, ils sont... C'est pas... Moi j'ai rencontré des professionnels du P qui étaient beaucoup plus performants. Tiens, il y a un concours aussi à faire. Essayez de chier complètement, de terminer de chier sans pisser. Essayez ça. C'est balèze, mais je pense que je l'ai déjà fait. Essayez, messieurs et mesdemoiselles, d'essayer de chier sans pisser et sans vous serrer la chatte et sans vous bloquer la bite. Essayez ça, tiens, c'est très amusant, je te jure. C'est une concentration du cerveau qui te bouffe beaucoup d'énergie. Bon, les enfants, on va vous laisser parce que vous êtes trop intéressants. Ouais. Hein? Et c'est tout à fait sexuel, votre genre de problème. Tout à fait. Donc, on vous embrasse quand même très très fort. Et merci de votre appel. C'était très touchant, très sympathique. Et nous aimons les appels de ce style. On parle toujours de la couche d'ozone, du CFC. Mais des gens comme ça, ils polluent autant que. Ah, ça, c'est des grands pollueurs. Hein. Oh, ils sont sympathiques. Oui. Tu te rends compte si on prenait en compte tous les pets qu'ils font. Et il faut dire que mais au niveau du fantasme érotique, c'est quand même un peu frustrant, hein, quand même. Moi, j'aurais bien voulu avoir des choses un peu grasses. Moi, ma petite Daza, je voudrais quand même qu'on aborde un problème sérieux. Oui, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui nous écoutent. le problème vrai. Des beaucoup, boutons. Beaucoup. Le problème des boutons. Les boutons. En casquette, à boutons dorés. Mais il y en a tellement que ça leur pose de problèmes qu'ils hésitent à aller voir un médecin, qu'ils hésitent à aller voir un dermatologue et tout. C'est quelque chose de très facile maintenant à soigner. Que vous ayez des boutons sur la gueule ou dans le dos et tout, ça coupe, ça tue l'amour aussi, hein. Il faut faire quelque chose. Alors, vous allez voir un dermatologue, c'est pas la peine d'aller voir votre généraliste parce qu'il connaît rien du tout dans les boutons. Vous allez voir un dermatologue. Maintenant, il y a des sublimes traitements pour l'acné. Il y a des sublimes traitements en quelques jours, vous allez tout vous faire enlever et vous allez voir après comme votre équilibre sexuel va être retrouvé. Ça, c'est parce que c'est épouvantable quand t'as un bouton. Même moi, quand j'ai un bouton sur la gueule, ça m'énerve. Très mauvais pour le moral. Et tu as de très très bons traitements maintenant. Donc allez voir votre dermatologue. Allez voir votre dermatologue. Évitez trop de vous laver la gueule avec des savons pour aga que vous allez trouver aux prises uniques. Prise unique, Uniprix, Saloperie et Galerie Farfouillette. Alors, évitez aussi les shampoings d'op sur les cheveux parce que ça déterge un maximum. Hein. Ça, c'est épouvantable. Prenez le téléphone à rappeler peut-être. 43 57 69 70. 43 57 69 70. Pour la sexualité, pour les fantasmes, pour les petites anecdotes que vous voulez nous raconter ou tout simplement votre problème. Car il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, mangeons du jambon. Mangeons du savon, dans l'occurrence. 43 57 69 70. Allô ? Oui, bonjour. Je m'appelle Cynthia et j'avais téléphoné déjà à la radio et je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de garçons et qui a fait beaucoup l'amour avec moi et beaucoup de jouissance est parvenue dans mon chat et j'avais jamais trouvé avant des garçons. J'ai trouvé Ahmed, Mustapha, Victor, tout ça. Et j'habite La Courneuve. Paris 16e et je suis allée dans bel appartement à La Courneuve, cité, une grande cité. Très grande, 4000 personnes. Cité, et aller dans une très belle pièce, pas beaucoup de lumière, cave. Vous dites cave en français. C'était en bas. Oui, dans une cave, et très très bon, beaucoup de garçons, beaucoup, une soirée très jolie. Je pense que je vais tomber sur la main. Merci David, merci Zaza, merci Pascal. On te remercie Cynthia, joli témoignage. J'ai beaucoup sucé des bites. C'est très bon. Et ça t'a fait du bien ? Beaucoup. Il faut dire tout, jeune fille, qu'il faut beaucoup sucer les bites. C'est très bon pour la bouche. Il faut dire aux garçons aussi. Oui, garçons, sucez les bites. Sucez beaucoup les bites. C'est très, très bon. Ah oui, ça, vous pouvez sucer le pineus. C'est delicious. Pour mettre dans la bouche. Mouse, c'est... Comment on dit ? Mouse. Mouse. Voilà, alors 43 57 69 70, 43 57 69 70, c'est le numéro de téléphone du bonheur, le numéro de téléphone à composer. Il faut franchir le pas et vaincre votre timidité en composant tout simplement ce numéro de téléphone si vous désirez passer à l'antenne, intervenir, critiquer, féliciter ou tout simplement parler de votre sexualité. Quel bonheur, 2 heures de bonheur et de jouissance ensemble à parler de tout cela. C'est la seule émission, c'est 2 heures de bonheur par semaine avec David, Zaza et puis Pascal. Un auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Hervé, j'ai 20 ans. Oui. Et en fait, je t'explique, là, je suis sur mon lit en caleçon. Mmh. Et je suis en train de me caresser doucement, mais je voudrais que Pascal me fasse un petit trip. Ah ! Tu vois ? Ah, Pascal, je veux savoir si elle est capable de me faire jouir par téléphone. Alors, alors voilà, c'est ce qu'on va faire. J'ai pissé d'ailleurs. Alors, excellent démarrage. Je n'interviens pas. Je n'interviens pas. Petite note quand même de l'AFP que Cendrillon est morte. À minuit, son tampax s'est transformé en citrouille. Ah voilà, la chatte défoncée. C'est l'AFP, je suis désolé. Ça vient de tomber sur les télex entre Kadhafi et la guerre du Liban. Et que les naines se rassurent, elles ne marcheront plus sur la ficelle de leur tampax. On a trouvé des tampax avec sortie avec ventouse. C'est divin, ça s'accroche à la cuisse. Alors, Hervé. Ouais. Je ferme ma gueule. Ok. Non, mais tu pourras intervenir. Je après, ferme. Non, non, bah non, sinon je vais te faire débander. Ouais. D'accord. Sinon, on va te mettre un doigt dans le huc. Non, mais ça me gêne pas, ça, tu sais. Ah bon, d'accord. Non, mais je te laisse parler avec Pascal. Ok, et puis... mais j'ai plutôt que ça soit envie, que ce soit elle qui me parle. Si d'accord, veux. Elle a le trac. Non, mais non. je la connais bien, tu sais, je l'écoute tout le temps. Hein. Bon, vas-y. Bon. Hervé, tu m'entends ? Ouais, bonjour. Bonjour. Tu es allongé sur ton lit ? Ouais, je suis en train de me caresser doucement. Tu te caresses, alors tu fermes les yeux. Ouais. Tu n'as pas de lumière dans ta chambre? Non, mais c'est un tout petit peu, si tu veux. Éteins la lumière. Ok, j'attends, j'éteins la lumière. Ouais, ça y est. Voilà. Alors, tu fermes les yeux, tu imagines que je suis là. Ouais. Je rentre dans la pièce. Ouais. J'arrive vers toi, tu es en caleçon, allongé sur ton lit. Et je m'assois à côté de toi, sur le lit. Ouais. Et je commence à passer ma main sur ta poitrine. Je descends tout doucement et je remonte. Et je redescends. Je t'attrape un peu les seins, petit bout de sein. Ouais, ça j'aime ça, surtout ça. Et puis je mets ma bouche dessus. Et puis je suçote un peu le bout de ton sein. Et puis là, il y a mes cheveux qui te tombent sur la poitrine. Ouais, caresse-moi avec tes cheveux. Ouais, tu me sens là, tu sens ouais, mes mains. Je sens tes cheveux. Ouais, et tu sens mes cheveux qui... Et mes cheveux descendent doucement vers ton nombril, vers les poils qui sont au-dessous de ton nombril. Je descends encore. Ton caleçon souffle parce que ton sexe en érection sort de ton caleçon. Ah, tu l'as dit là. Je sors ton caleçon et je te caresse avec mes cheveux. Mmh. Ouais, autour de ton sexe. Mes cheveux s'enroulent autour. Je continue à te caresser. Puis ma main descend. Je t'attrape avec ma main. Je commence à te prendre derrière les genoux. Mmh. Et ma main remonte tout doucement vers tes deux petites couilles qui sont bien dures. Mange-les. Ouais, commence à les caresser, et puis là, ma bouche arrive vers toi. Je commence à t'attraper une couille dans la bouche. C'est bon, ça va. Tu veux que je te suce? Ouais, suce-moi. Ouais. Suce-moi fort. Oui. Alors, ouais. Touche-moi les couilles. Oui, je te touche les couilles avec ma main, et ma bouche remonte vers ton sexe. Et demande-moi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse là? J'ai envie que tu me bouffes les couilles. Ouais, je continue à te bouffer les couilles alors. Ouais. Je t'arrête. Maintenant, lèche-moi le gland. Ouais, je commence à lécher tout autour, tout doucement. Je mets ma langue autour, comme une sucette, c'est très bon. C'est bon ça. C'est très très bon. Ça remonte et ça descend. Bien, ça. Ouais. Maintenant, tu peux me lécher l'anus? Tout doucement, je te retourne. Je t'ai enlevé ton caleçon. Ouais. Je te retourne et je te fais une petite feuille de rose, tout doucement. Je caresse avec mon doigt aussi. Et je te retourne dans l'autre sens et je te mets un petit doigt dans ton anus. Ah, c'est bon, mais lâche-moi l'anus. Je continue à te lécher l'anus, ouais, tout doucement. Mets-toi à quatre pattes. Ouais, bon, ça y est. Ça y est, tu t'es mis à quatre pattes? Ouais. Je continue à te lécher. Descends un petit peu, va. Quoi? Ouais, je continue à te lécher. Ouais, c'est bon. Vas-y, descends. Baisse la tête. Baisse la tête. Je te sens bien. Monte ton cul un peu plus là. Lève ton cul un peu. Vas-y, lève ton cul encore. Tu le lèves encore. Je le lève. Ouais, encore. Je te caresse les couilles avec ma main tout en continuant à te lécher le cul. C'est bon. Ouais. Tu sens ma main sur tes couilles et je commence à t'attraper le sexe avec ma main. En plus, je vais te dire... Vas-y, branle-toi. Je me branle, mais j'étais un peu menti, là, en fait, parce que j'ai une copine qui est en train de me sucer, là. Et tu peux pas savoir comment c'est bon, là. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça, en fait, je me suis fait un petit trip, là, mais c'est hyper cool, tu vois. Elle continue à me sucer, d'ailleurs. Allô? Ouais. Allô? Ah, ouais. Oui. C'est Hervé? Ouais. Branle-toi. Mais attends, elle me suce, là. Ah, la salope. Branle-toi dans sa bouche. Ah, la salope. Tu crois qu'elle va me faire jouir, la gare? Vas-y, branle-toi. Elle aime ma bite, hein, la gare. Branle-toi. Oh, elle est bonne. Je te lèche bien le cul par derrière. Je te lèche bien le cul. Ah, t'es une salope aussi, toi. Je te lèche bien le cul, hein, salaud. Hein, salaud. Je te lèche bien ton cul, salaud. Bon, c'est bon. C'est que tu vas me faire jouer. Dis-moi que je suis une salope. Bouffe-moi les couilles, là. Je suis une salope. Jouis-moi tout sur la gueule, Hervé. Hein? Jouis-moi tout sur la gueule, Hervé. Ah, tu te caresses aussi, là? Oui, Hervé. Tu te caresses aussi, Hervé. Là? Hervé. Hein? Hervé. Ouais, mais je t'aime bien aussi, toi. Vas-y, branle-toi, je veux t'entendre. Je me touche, le chat. Je ne t'entends pas assez, là. Hervé, t'es un salaud. Hein? T'es un salaud, Hervé, tu vas pas me baiser. Elle me bouffe les couilles, là. Elle me bouffe les couilles. Tu vas pas me baiser, Hervé. Ah. Tu vas pas me baiser, Hervé, t'es un salaud. Maintenant, t'as joui, tu vas pas me baiser. Il a joui, il est des nôtres, il a joui comme des nôtres, il est des nôtres, il a joui les sacrants comme les autres. Ah bravo hein. Merci, c'est hyper sympa. Eh bien les amis, le théâtre 102 vous remercie. Eh bien, arrivez de dire ça, le numéro 17, le numéro 13 des photos pour la deuxième place, entre le 17, le 14 et le numéro 69. Alors les parieurs, nous serons besoin pour la photo. Et après, si vous voulez, parce que là, ce matin, nous avons été à part, on va savoir quand même pour le frigidaire. Alors la porte ouverte, tout ça, les bières fraîches et tout, il n'y a pas de problème. Allô, Hervé, tu as été formidable. Très performant, Hervé, bravo. Merci. Hervé, bravo, merci. Il a raccroché, bah, il a joué, c'est bon. Ah bah tu parles. T'as une petite musique d'ambiance. De nuit, ouais. Ah. Alors, tu sais que ma petite Zaza, ça y est, on a les badges dans une semaine. Alors tout le monde, alors j'en ai plein les couilles de tes badges, parce alors... que vraiment, je peux plus faire un pas dans la... Je peux plus faire un pas quand je sors de chez moi. On ne me parle que de badge, voilà. Là, là, tiens, là. Attends, tiens, petit, voilà 100 sous, suce-moi le bourre, rends-moi les sous. 100 sous, c'est bien trop peu pour sucer un si gros lot. Passe-moi la langue dans le cul et dis-moi que tu m'aimes. Passe-moi la langue dans le cul et dis, et n'en parlons plus. Au nom d'un chien, je l'enculerai bien. Prends ta bite à deux mains, mon cousin, nous partons en guerre. À cheval sur une putain, comme de sarrasin. La digue du cul en revenant de Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue du cul, la digue du cul. Je tire mon arbalète, tu connaissais pas mon arbalète hein? Ah, ah, moi j'en connais. Ah, ça, mon chéri, alors là. Des bisous dans le cou, des menaces de le viol. Téléphone à rappeler parce que c'est une émission sérieuse malgré tout. Oh, malgré un petit peu de vacances de Pâques, je suis désolé, les cloches nous ont été un peu sonnées. Voilà. Poilonné. Néné. Je vais vous expliquer ce qui nous arrive quand on sort dans la rue la semaine et que les gens nous reconnaissent. Alors, des bisous dans le cou, des menaces de viol, des je te veux, je t'aurai. Des demandes en mariage. Des numéros de téléphone par-ci, par-là, des fleurs, des télégrammes du monde entier. Des orchidées. Des orchidées. Dans le cul. Des cactus avec ta gueule. Des félicitations, clic-clac, les journalistes, les photographes, les caméras, nous refusons toutes les interviews. Petite James Bond Girls. Des enfants en pleurs devant l'église, des gens brûlent des cierges. Nous vendrons des cierges bientôt l'une d'entre elles. Ah, ça, oui. Que vous pourrez, beaucoup. Que vous pourrez bientôt. Ne soyez pas blasphématoire, David, quand même. Non. Attention, mon ami. Ça, vous faut faites pas un... rigoler avec ça. Ah, ça, oui. Faut pas rigoler. Mais... Le cierge, on peut s'asseoir dessus, mais il faut pas dire du mal de lui. Non, les cierges luttent de fiel qui pourront brûler dans les lycées. On mettra un petit hôtel. Pour les jeunes gens, à chaque fois qu'ils auront envoyé leurs crampes grâce à l'huile de fiel. La chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine, pour ceux qui n'arrivent pas à pisser souvent. Ça y est que ça brûle. Et c'est moi qui ai bien les années 60, ce sera la chapelle Sixtine. Voilà. C'est là qu'il faut rire. Alors quand je fais pas pipi, c'est la chapelle Sixtine. Voilà. Alors nous avons une auditrice en ligne. Ah, bon. Et après, on raconte pour les badges. Ah oui, les badges, ok. Voilà. Allô. Allô. Oui, bonjour. Allô. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom ? Emma. Oh, c'est très très joli ça comme prénom. Prénom bavariesque. Ouais. Hommage à Flaubert. Et tu as quel âge, Emma ? J'ai 18 ans. 18 ans. Oui. Oh, toute jeune. Uh-huh. Toute fraîche. Hein ? Eh oui. Encore un joli petit minou. Bof. Oh. Bah écoute, à 18 ans, on est... Oui, mais pas tout frais, quoi. Ah, bah, y a de la veux-tu dire par là que tu as déjà beaucoup servi, ma petite Emma ? Pas trop mal. Ça veut dire quoi, pas mal ? Le nombre de mecs ou le nombre de fois ? Le nombre de mecs, à peu près ? Je sais pas, 5-6. Oui, mais alors, ça doit être très gênant quand tu baises avec des mecs, parce que tu sais pas des fois si les mecs, ils parlent d'eux, parce que si, par exemple, il dit « Emma bite ». Alors, il sait pas si le mec parle de sa bite ou s'il dit « Emma ». Bip, mais je le prends dans le sens des deux, quoi. Ça. Ah bah oui, mais il y a deux sens différents. Il y a l'ordre où il y a tu penses à ma bite aussi et ma bite. Et alors tu as le désordre. Non, mais de toute façon, Emma, ce n'est pas mon vrai nom, hein, bien sûr. Non, c'est un pseudonyme. On avait compris, chérie. Bah alors... Tu crois que je m'appelle Zaza ? Ben, je sais pas. Comment tu t'appelles, Zaza ? Tu veux pas le dire, hein ? Robert Dugenou, oui, voilà. Envoyé à la RATP. Et moi je m'appelle Francine Fichepo. Voilà, rousse. Tu entends ma Zaza dans ton casque ? Vaguement. Vaguement. Et moi je m'appelle Huguette Bouchardon. Yvette Roudy. Mon Dieu, mais on n'a pas fait de débat sur Yvette Roudy qui s'est fait insulter par les prostituées l'autre jour à Star à la barre. Oh, c'est bien fait pour sa gueule. Ouais, bon. La qu'à laisser travailler quand même. Hein ? Revenons à Emma quand même. Oui. Voilà. Alors tu dis Emma, alors, tu as eu beaucoup de visites déjà. Oui, mais enfin bon, je vous appelle pas trop pour ça. Hein? Ah, les visites ne sont pas bien passées? Moyennement. Ah. Ah, problème. Enfin, mais ça, je vais en venir après. D'abord, je voulais vous dire que, bon, bien sûr, votre émission est superbe, quoi. Merci. Et bien indulgente, ma petite Emma. Et comment ça? J'ai un ami qui est venu vous voir il y a 2 semaines et il n'y avait pas Pascal, qui était en vacances, je crois. Alors, c'est moi qui l'ai sucé. Il s'est pas fait sucer. Ah oui, ah, c'est pas lui, c'est pas ton ami. Il s'est fait, comment on dit, sodomiser, c'est une chose dégueulasse. Strodomiser. Schtroumpfer. Oh. Bon, voilà. Alors, je voulais passer, bon, entre autres, un petit bonjour à certains Dédé, hein, pseudonyme également, bien sûr. Oh, oui. Et voilà, bon, je voulais vous dire mes petits problèmes. Voilà, c'est ce que nous avons. Oh, d'abord, un dernier petit truc. Oui. J'ai eu quelqu'un à 10h, j'ai essayé de vous appeler à 10h. Oui. Je suis tombée sur quelqu'un, un garçon qui avait une voix vraiment charmante. Oui. Un peu la voix de Zaza. C'était le répondeur téléphonique. Non, pas du tout, parce que je posais des questions, il me répondait, c'était un peu la voix de Zaza. Oui, c'était un ordinateur. C'est pas moi, j'étais au bistrot à ce moment-là, mais enfin. Eh ben dommage, parce qu'il avait vraiment une belle voix, et ouais, dommage que c'est pas écrit. Ce qui veut dire que j'ai une belle voix. T'as pas vu la gueule. Enfin. Ah bon. Ah oui, ça, je veux dire. Ça, c'est les commentaires de David. Hein, ça n'engage que lui. Comme coupe-fin, on n'a jamais fait mieux. Bon, alors on en vient à mes petits problèmes. Oui. Bon, alors c'est sérieux, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai. Je voulais vous dire, bon, le premier problème, c'est que quand je baise avec mon petit ami, je peux pas garder son foutre dans moi. C'est-à-dire qu'après, j'ai des fuites, quoi, ça coule. Alors, j'aimerais savoir comment y remédier. Ce n'est pas un problème, voilà. C'est normal. Oui, mais enfin bon. Il faut vider la poubelle. C'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde. Tant qu'on n'aura pas inventé l'amour sans sperme, eh bien, le sperme coulera à flot. Et alors, comment elles font les femmes qui veulent avoir des enfants elles aspirent? Ben, quand tu restes allongé, ça reste dedans. Oui, si j'ai les jambes en l'air. Bah alors tu te mets. Non, si tu allonges les jambes. Ouais, non, mais faut pas que je bouge, quoi. Il faut pas que tu bouges, il faut pas que tu tousses. Ça, c'est évident. Quand on tousse, c'est horrible. Mais souvent je prends une clope après, bon, si je tousse un peu. Ah, bah tu fais comme moi, hein, oui, ça. Et comment tu fais, Pascal? Ben, comment je fais? Ben, non, mais de toute manière, c'est. D'abord, Pascal n'emploie que du capote parce que. Voilà. Bah, attendez, j'en viens après à ça. Ah oui, voilà. Parce que c'est donc, quand même important. Moi, je n'emploie que du capote, donc je n'ai pas ce problème. Mais imaginons un instant que je. T'oublies ta capote. C'est-à-dire que dans les années 50, je n'employais pas de capote. Oui, ça commence très jeune. À l'époque, il n'y avait pas de maladie. Uh-huh. Moi non plus. Là. Donc, dans les années 50, comment je faisais? J'essaie de me souvenir. S'il y avait une bonne stouille, je faisais une spicule, bon, ben, ça allait. En gros, ce n'est pas un problème, quoi. Ça arrive fréquemment. En gros, ça arrive à tout le monde. En gros, tout dépend de la quantité. Oui, mais enfin, le truc qui est désagréable, c'est avec les bruits qui accompagnent, quoi. Tout dépend de la quantité, en fait. C'est-à-dire que tu pètes en même temps de la chatte. En gros, ouais, je pète de la chatte. Bon, une fois, vous avez dit de mettre les doigts et que ça sifflait, mais enfin, bon. Non, non. N'écoute pas les conneries que tu racontes. Sérieusement, je trouve pas ça très, très Emma, ne t'inquiète pas, si ça coule, c'est normal, parce que t'as dû te faire baiser pendant un bon moment, le mec il a dû t'élargir, et je vais te dire, si tu te lèves tout de suite après la saillie, c'est normal que ça coule le long des cuisses. Je dois avaler quoi, enfin, aller par le bas. Mais non, après tu vas pisser, tu recraches tout ça. Ah ouais. Tu vas aux toilettes. Hein. Non, mais bien sûr, mais enfin tu bon. Fais le vide. C'est pas non plus je tire mon cou et puis j'évite aux chiottes. Quoi. Non, mais il faut vider la poubelle aussi. Hein. Mais il faut vider quand même, ou sinon tu restes allongé. Mais si tu marches comme ça pour faire plaisir à ton oncle, pour lui dire bah tiens, regarde, je le garde bien en moi, le poutre et tout. Bon, donc c'est normal. Mais non, normal. Après tu vas te laver, tu fumes une cigarette, tu discutes un peu. Moi je me lave pas toujours. Hein. Tu gardes ça en toi. Oh, bah, et après ça reste collé. Bah oui. Et après t'es obligé d'ouvrir ça avec un ouvre-boîte. Non, pas du tout ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est que sinon, quelques petits exercices de musculation des muscles vaginaux ne sont pas à écarter non plus. À ça aide. Bien, ouais, enfin, ma gynéco m'a déjà dit que j'étais faite comme une fille qui fait régulièrement du cheval, donc je dois être très musclée d'intérieur. Ah, et c'est... Non, mais alors je vais te dire, Emma, Sana, là, c'est vraiment pas un problème. D'accord. Ça arrive à 70% des filles, si elles se remettent debout après la saillie. Ça coule le long des cuisses. Et je veux dire, les mecs même, je reçois beaucoup de courriers. Oui. Qui se font enculer, qui sont bien enculés. Les mecs qui sont bien enculés, non. Qui se font jouir à l'intérieur. Pourquoi tout le monde n'a jamais c'est ces règles-là? Alors le problème, c'est que ça coule pas blanc. Ah, ça coule marron. Oh, c'est sûr. Bah oui. Non, mais... À moins qu'il y ait vraiment un lavement, il y a style, ça coule aussi le long des cuisses, du trou du cul. Moi, je reçois un courrier énorme de gens qui... Il y a à boire et à manger, alors. Alors, donc, il y a un problème qui en découle, peut-être. Oui. elle est très bonne. C'est que, bon, moi, j'avais pris l'habitude pendant un moment de vouloir baiser plus qu'avec des préservatifs, enfin, c'est des capotes. C'est très bonne habitude. Mais mieux vaut, de toute façon. Oui, mais comme je suis avec un partenaire fixe, on peut pas dire que ce soit vraiment le pied pour lui. Un partenaire... Mais moi, je ne supporte plus, habite en moi, quoi. Un partenaire, tu as dit? un partenaire fixe. C'est-à-dire qu'il reste toujours pareil. Oui, mais pas toujours pareil sur moi. Quoi. Enfin, c'est toujours le même, dirons-nous. Ah, c'est toujours le même. Oui. Et tu couches avec lui sans capote parce que tu es sûre de... qu'il n'y a pas de problème. Oui, et puis maintenant, si je l'ai, de toute façon, ça fait beaucoup trop longtemps. Et je ah, bah si, parce que multiplié par deux. Hein. Et lui, est-ce qu'il va tirer ailleurs? Non. Pas du tout. Ah, ça, c'est lui qui te le dit. Hein. Non. Ah, ça, c'est merveilleux. Oui, et oui. Alors oui, et alors, donc voilà, c'est pas... il ne prend pas vraiment le pied avec les capotes. Et moi, l'idée qu'il pénètre sans capote, maintenant, c'est un peu répugnant. Non, il faut remettre les capotes, chérie. Continue avec les capotes. Bah oui, mais lui, s'il prend pas son pied, enfin, je veux dire, je tiens à... Ah, bah, tu veux ça ou crever? Mais non, mais... non, mais... Bah, c'est... Non, mais t'as qu'à lui demander de faire son test, et puis voilà. Non, mais je veux dire, c'est... Non, c'est vraiment intéressant, parce que c'est plutôt aussi au point de vue psychologique, quoi. J'ai peur d'avoir le contact direct avec lui, et il faut qu'il y ait la capote... Un paravent. Vous voyez ce que je voulais dire? Bah oui, mais t'as dû faire le sacrifice, alors. Non, mais c'est pas trop, ça risque pas d'être frustrant pour eux, toi, Zaza et David, vous. Oui, bien sûr, c'est frustrant, dans l'amour, il y a une part de concession à faire. Ou alors, il t'aime pas, il te prend pour un sac poubelle. Un trou. C'est comme la ceinture de sécurité, c'est pas agréable. Oui. Et puis bon, il faut quand même... Bah oui, ça non plus, c'est pas marrant, hein. Oui, enfin bon, mais moi, je dois pas m'en faire, enfin, de mon côté, parce que bon, je trouve ça un peu étonnant que, psychologiquement, je ne mette pas tellement sa queue en moi, mais quoi. Mais tu devrais, au contraire, être contente d'avoir réussi à si bien intérioriser la contrainte de la capote. Oui, mais de ce fait, je n'ai plus de contact avec lui, enfin, c'est plus vraiment... Mais tu l'as, il n'y a qu'un, même pas un millimètre entre toi et lui. Et puis, tu as d'autres contacts, je suis sûre que tu le touches, tu dois bien... Oui, mais si je le lèche et qu'il a la capote, quoi, ça, j'avoue que c'est une autre histoire. Ah oui, ça, c'est autre chose. Ah bah, avant, tant qu'il n'y a pas la... Tu peux mettre en bec. Hein. Enfin, j'ai une amie à côté de moi qui me dit que. J'ai une amie à côté de moi, bon, elle est un peu faite au pétard, mais elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème de sucer quand le mec avait sa capote. Ouais. Si tu n'avales pas. Non. Mais écoute, si tu es vraiment avec ton mec bien, oui. Et que ce mec, tu l'aimes. Oui. Visiblement, tu l'aimes. Bah, je l'adore. Parce qu'au milieu de toutes ces ordureries, il y a quand même le mot amour de temps en temps, oui, non? Oui, de temps en temps. Sur le fumier, il y a comme des coquelicots qui poussent. À la campagne, moi, j'ai vu ça. Ah, ça? Vous jamais, parce que vous n'allez jamais à la campagne, David. Vous n'allez jamais au-dessus de Saint-Ouen, dans le béton. Je vais à Sarcelles, de temps en temps. Et est-ce que tu as vu des fois sur du fumier pousser des pâquerettes, hein? Oui. Des coquelicots, des marguerites? Beaucoup. Et ça, ce que vous dites n'est pas faux. Ah, voilà. Et beaucoup. Bon, alors... Si ce mec, bah, fais-lui faire son test. Si tu es sûr qu'il est séronégatif, bon, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Oui, de toute façon, bon... Je crois que c'est important. Mais ça, c'est valable pour tous nos auditeurs. On voudrait pas avoir de problème. Hein. Attention, mes enfants, vous savez que... Elle court. La maladie, oui. L'amour. Et puis surtout, bien enfiler les préservatifs. Et que le bonheur et le plaisir est une chose merveilleuse, mais il faut quand même se préserver. Voilà. Et le préservatif ne se déroule pas avant de l'enfiler. Mais ça, vous allez l'expliquer à... Parce qu'il y a... Ouais, vas-y. Il y a beaucoup de problèmes, même chez les attends, adultes. Oui, on va prendre Emma quand même. Donc, j'ai deux, trois trucs à vous dire encore. Voilà. Vous cherchez des contrepétries en début de l'heure. Oui. Ouais. Ce jeune homme a une mine piteuse. Ce jeune homme a une pine... piqueuse, non ? Miteuse. Oui. Voilà. Et deuxièmement, je voulais vous demander comment vous faites pour avoir une telle ressource de conneries, parce que je veux dire, ça, c'est un... non, c'est vrai, chez vous, c'est instinctif, quoi, enfin... C'est vrai, c'est comme les adresses. Ça oui. Sort tout seul. C'est comme les carnets d'adresses, il faut des années. Nous sommes sexologues. Oui. Nous avons... Sérieusement? Ah oui, oui. Uh-huh. Nous avons vu des vertes et des pas mûres. Oui. J'ai plus vu de pas mûres que de vertes, d'ailleurs. Et voilà. Ce qui me concerne. Hein. Parce qu'il faut faire attention, parce que j'ai un ami, un très bon ami qui vous écoute régulièrement, oui. Ce fameux Dédé, hein, ouais. Et qui devient pratiquement aussi con que vous. Mais, je veux dire, il atteint un niveau, c'est... Mais c'est très grave, parce que nous, c'est 2 heures par semaine. Mais le reste de la semaine, non, lui, c'est tout le temps. Mais si, ça, oui, c'est, ah, tout, c'est très grave. Ça, c'est grave. Genre, le prof parle, il lui répond, c'est div, hein, ou alors vous faites un joli métier. Ah, bah, ça, sans arrêt, on reconnaît David et Zaza. Ah bah ça, c'est pas encore trop grave. Non, mais après, c'est... depuis que j'écoute la future génération, je suis une grosse pute, j'ai la chatte qui me gratte, il y a les couilles qui pendent, enfin bon, il est vraiment... Non mais tu es d'accord avec moi qu'un gag, c'est amusant, mais quand il devient répétitif, trop longtemps, ça devient casse-couille. Ce que vous oui, dites mais ça, n'est ça pas me fait faux. Tellement penser à vous que on est mort de rire, enfin, c'est quelqu'un qui peut être sérieux. Il y a des centaines de milliers de personnes qui nous écoutent. Oui. Des centaines de milliers de personnes que nous réconfortons, que nous aidons. Les cassettes se vendent par centaines, au noir. Ah bah oui, ça, il n'y a pas beaucoup de blancs qu'on achète. Hein. Aucun droit d'auteur. Nous avons des producteurs qui viennent nous voir pour qu'on fasse des numéros sur scène au Palais des Glaces. au théâtre d'Edgar. Et nous refusons tout. Toutes les interviews. Non, on arrêtera. On laissera tout tomber. Et puis laissez-moi tranquille. voilà. Oui, je l'ai dit. Alors, je voulais vous dire un dernier petit truc. C'est, est-ce qu'il est possible de temps en temps d'assister à l'émission ou pas? David, il y a un changement bientôt de, oui, de studio, mais quand on sera installé. Quand on sera installé. Mais si tu veux, tu me rappelles à la fin de l'émission. Oh, je vais aller me coucher, mais certainement un autre jour. Alors, voilà, mais si tu veux, tu pourras venir. Mais oui, il faut absolument nous téléphoner si vous voulez venir. Ne venez pas comme ça parce que vous ne pourrez pas rentrer. Oui. Parce qu'il bloque maintenant la porte parce qu'il y a eu trop de bordel. Oui. Et de toute façon, dans quelques semaines, on va faire cette émission en demi-public. On va pas dire en public, oui, parce que tout le monde ne pourra pas venir. Chacun son tour et tout. Il faudra, comme chez Patrick Sabatier, faire quelques cartons d'invitation pour éviter que la clientèle se bouscule au portillon. Voilà, et ce sera gratuit. Moi, j'avais pensé un truc, venir peut-être pendant les vacances de Pâques, et comme apparemment vous êtes des gros fumeurs, amener un petit cadeau, quoi. Voilà. Ah, alors, bah, tu viens la semaine prochaine. Les sentiments. Non, mais vous avez peut-être eu des merdes, mais enfin bon, je suis pas du genre. Non, on n'a jamais de daube. Non, on a eu de la merde, elle disait. Ah. Non. Vos relations. Ah. Non, parce que moi, un des grands vœux, c'est quand même de vous voir. Oh, surtout pas. Non, et puis voilà, il y a une fille dans notre classe d'ailleurs qui ressemble beaucoup à Zaza, paraît-il, d'après le garçon qui a été à votre question. Ils l'ont jamais vue. Ils l'ont jamais vue, elle vient déguisée là. Non, c'est une fille constamment déguisée. Elle vient déguisée. Constamment. Bon, et ma poupée de rêve, chérie. Ta copine a l'air complètement hystérique, tu veux pas me la passer? C'est-à-dire que ma copine a fumé 3 pétards, mais elle est très timide et elle est un peu. Donne-la-moi. Mais elle veut pas, elle est carrément repartie dans la cuisine. Donne-la-moi. Va la chercher, comment elle s'appelle? Samantha. Qui rit quand elle fait caca. Bon, voilà, je vous la passe. Hein. Oui. Je vous embrasse très fort. Moi aussi, on t'embrasse dans la chatte, et surtout si tu restes ouvert, on arrive. Eh ben, je vous fais tous une petite pipe, à bientôt alors. Merci, ma poupée de rêve. Au revoir. Allô? Au revoir, chérie. Allô, Samantha? Ouais. Oh, ma petite reine adorée. Ton petit chat illustré. Je vais mettre ma langue ensorcelée pour te faire jouir de mille feux. Non, diable. Moi je jouis pas. Tu ne jouis pas. Tu ne jouis pas. Tu n'as pas de jouissance. Comment ça? Tu n'as pas de jouissance. Si, mais. Est-ce que t'as bien mes fûts? Pardon? T'as bien mes fûts là? Oui, assez. T'es un peu séca? Oui. T'es bonne là pour la montée? Et comment ça se fait alors que tu ne jouis pas? Tu n'as jamais couché avec un garçon? Si, bien sûr. Et c'est pas bon? Si, mais pas autant que j'aurais pu le croire. Ah bon? Et tu crois que c'est comment, par exemple, jouir bien? Pardon? Ça fait comme quoi, une bonne jouissance? Tu peux comparer ça à quoi? À du bon chocolat. À quoi? Du bon chocolat. Est-ce que tu peux faire prendre, manger un bon Mamie Nova avec de la crème chantilly, ou bien te faire baiser? Oh, elle préfère bien bouffer, hein. Un bon Mamie Nova. Ah, une bonne bouffeuse. Eh ben, tu prends un bon Mamie Nova, tu le fous sur une bonne bite, et ça va te faire une saucisse au Mamie Nova. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est divin. Non. Samantha, tu veux pas me faire un petit cri de jouissance synthétique? D'accord. Alors, écoutez bien. Ouais. Youpi! Non, ça c'est pas un cri de jouissance. Et là, t'as sauté sur la bite, mais maintenant, il y a le va-et-vient. Youp! Non, je rote, mais là j'ai pas. T'arrives pas à roter. Voilà, mais mon ami fait des super rots, mais. Tu rotes, Charlotte? Non, maman, non, je pète. C'est pas plus propre, petite salope. Alors, bon, les filles, on va vous sceller, hein? Oui, alors c'est de nouveau Emma. Bonjour Emma. Salut. Tu veux venir la semaine prochaine? La semaine prochaine. Je vais peut-être essayer de venir la semaine prochaine, oui. Très bien. Tu répondras à nos questions? Toutes les questions. Très bien. Je mets ton nom sur la liste des invités. C'est vrai. Emma. Vous pouvez mettre Dédé en même temps, s'il vous plaît. Emma et Dédé. Il a une grosse bite, Dédé? Oh, je l'ai jamais vu, mais apparemment, bon, d'après ce qu'il dit. Et puis c'est un étalon, c'est un gros rital. Hein. D'accord, ok, bon, c'est Emma. Donc, Zaza, il y a Dédé. Écoutez, je voulais juste vous demander de me faire un petit. Je sais plus si c'est David ou Zaza qui fait un petit. Qui parle comme Madame Ruth. On vous dira pas qui c'est, mais Madame Ruth va intervenir. Ça, c'est le seul. Et il y aura des concours éliminatoires, justement, pour venir assister à l'émission dans ce journal. Des jeux comme ça. Parce qu'il y en a qui savent pas qui c'est, si c'est moi ou si c'est Zaza. Moi, je pense que c'est David. Eh ben non, j'ai perdu. Ça, on peut pas vous le dire. Hein. Ah d'accord, dommage, parce que c'est vraiment... Allô, c'est la tante Ruth, c'est la Emma et Samantha. Oui, vous avez deux jolis prénoms et vous faites pas beaucoup jouissant, vous fumez beaucoup de drogue. Non, on va envoyer la drogue. On m'a envoyé beaucoup le... C'est pas bien fumer comme ça, pas... Oh, mais ça fait pas de mal, un petit pétard comme ça. Vous avez beaucoup... Vous pouvez parler, parce qu'il paraît que vous, ça n'arrête absolument pas dans le non, studio. Non, pas beaucoup. Oui, ça, oui, ça, il y a deux semaines, pas... c'était pétard sur pétard. Non, j'étais pas là, je devais... New York. Bon, il n'y a rien d'autre, hein. Ah, ben voilà, alors c'est Zaza qui parle. Non, mais... Très beau. Alors, écoutez, il y a d'autres auditeurs, non, mais j'ai également pense. Ma doublure. Il y a d'autres. J'ai ma doublure, Excel Dominique, et qui travaille au qui est au cours Florence, maman. Oui. Voilà, bah, Dédé, en fait, il s'appelle Dominique aussi. Qui fait le conservatoire. C'est bien. Bon, écoutez, je voulais c'est vous bien, dire un dernier petit bien. Truc, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs et je peux pas. Oui, c'est garder. Vrai. C'est vrai. Alors, les gens gueulent, hein. Je vous... Tu vois. Oh, ma pauvre. Et depuis 76, de l'autre côté, il n'y a jamais eu de visite. Ma pauvre copine. Ah, c'est plâtré. Il a le trou du cul plâtré. Bah, plâtré, chérie. Cimenté avec des poutres... Mais là, j'ai un copain qui est arrivé avec sa blague et des équerres. Ah. Il trempe le cul dans du vinaigre. J'espère qu'elle sera droite et blanche. Voilà. Voilà. Faut qu'il trempe le cul dans du vinaigre. Pour se déplâtrer le trou du cul. La roulette dans un bon le vinaigre trou. De vin, alors. Non, hein. Bon vinaigre, c'est la recette de Rick Azaraï. D'accord, merci, voilà. Allez, on vous embrasse. Bon, alors, je vous embrasse bien fort et à bientôt. Alors, laissez-moi sur votre liste d'invitation. Te remercie. Suce-moi bien. À bientôt. Oh, quel bonheur. Alors oui, pour les badges. Alors, les badges nous les avons dans 8 jours. Alors, dès maintenant, vous pouvez les commander. Mais attention, il y a une règle d'or à respecter si vous avez les badges. Cette règle consiste à faire un petit clin d'œil, ou un petit bonjour, ou un petit coup de coucou, coucou, bonjour, ou un petit hochement de tête, bonjour, ou quelque chose comme ça, à toutes les personnes que vous rencontrez qui ont le badge et qui ont vu que vous avez le badge. Vous n'allez pas dire bonjour à n'importe qui. Sinon, ils vont dire... Commissaire de police, salut, lune de ciel. À vous reconnaître entre vous et à vous faire un petit clin d'œil. Attention, les badges seront vendus par 3 pour le prix de 50 francs. C'est pas cher. Voilà. Ils sont superbes, j'ai vu. Ils sont superbes. Alors, il y aura 2 badges lune de fiel, plus un badge qui sera tiré au sort dans l'enveloppe. Alors, soit il y aura dessus des petites expressions, comme on dit, mais qui seront bien reconnaissables. Et ça, j'espère qu'ils seront également reconnaissants. Si vous êtes un garçon, il faudra sur les 3 badges en offrir au moins un à une fille. Qu'elles mettent. Ah, d'accord. Et les filles? Alors, tiens, j'ai des filles à côté. Moi, tiens, viens là, ma petite reine. Je vais te poser une question, juste pour... Voilà. Si un mec qui t'offre un badge d'une neuf, est-ce que tu le mets, oui ou non? Ah, bien sûr, franchement. Sûr. Bon, d'accord. Bon. Alors, voilà. Donc, les mecs, si vous avez 3 badges, déjà, il faudra respecter... Les règles qu'on vous a demandé. Bien sûr. Ensuite, sur les 3 que vous en avez, il faut en offrir un. Si vous êtes un garçon, à une fille. Et si vous êtes une fille, à une autre fille. Ah oui, oui. Pour qu'il y ait le maximum de filles qui aient les badges. Comme ça, ça fera la compensation par rapport au nombre de garçons qui vont vouloir en mettre. Oui. Hein, tu comprends le vice. La subtilité. La subtilité. La chose, oui. Et donc, les 3 badges, c'est 50 francs. C'est des badges sublimes. On va les vendre pendant exactement 1 mois. Ouais. 4 semaines. Voilà, 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, on arrêtera. Ouais. Comme les t-shirts. Alors, normal. Les badges au prix de 50 francs les 3. Alors, c'est pareil que les t-shirts. Ça va vous ramener le bonheur. Ça va vous ramener la jouissance. Et grâce... Et ils se marièrent. J'en ai commandé 300. Hein, grâce à ces badges, vous arriverez quand même, si vous n'arriviez pas maintenant, à trouver le bonheur, certainement. C'est tourné manège. Le contact. Evelyne Leclerc, bonjour. Alors, 50 francs les 3 badges. Vous envoyez votre commande avec un chèque. Là, vous mettez carrément un or sur le chèque parce que les connes, c'est pas possible, je te jure. Il y en a une Camille, 94-4, l'autre Future Génération, l'autre Lune de Fiel, l'autre elle a mis David, l'autre Pascal, l'autre Non mais on a j'ai tout. Non mais c'est marqué Zaza, j'ai un peu aussi. Voilà. Pascal, ça va très bien. Il faut aussi. Oui, non, continuez Pascal, Zaza. Alors, mais pas les... David, je vous en supplie. Non, parce que moi je prends Tu vois comme vraiment la raison du plus faible. Ouais, moi, vous ne savez pas garder l'argent. Au moins, oui, après, je leur disperse. Je redistribue, c'est vrai. C'est vrai. Je redistribue correctement. Alors, vous faites les trois badges. Le chèque, vous mettez G, D, G. G, un G, un D et un G. Pour ceux qui ne savent pas, vous mettez David Girard. Voilà, David Girard ou GDG. Voilà. Et vous envoyez ça à Lune de Fiel, David Girard. Et là, c'est une autre adresse que la radio. C'est pour éviter que les lettres se perdent. 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Je répète, le chèque à l'ordre de GDG ou David Girard, comme vous voulez. Alors, vous envoyez ça à Lune de Fiel, David Girard, 21 rue de la Chapelle, Paris 18e. Avec un petit mot gentil, un chèque de 50 francs. Et ou si vous n'avez pas de chèque, vous envoyez un petit billet de 50 francs. Et puis c'est pareil, parce que pour ceux qui n'ont pas de chéqué ou pour ceux qui n'ont pas 18 ans, ils n'ont pas de chéqué. Donc vous mettez un petit billet de 50 francs à l'intérieur. Et surtout, bien respecter ces règles. Alors vous mettez dans le mot, je jure que je respecterai les règles des badges Lune de Fiel. Oui. Alors les filles et les garçons, autant de filles que de garçons. Et surtout, il faudra donner un badge à une fille. Voilà. Alors donc vous les recevrez d'ici 8 jours. Voilà. Alors, nous avons deux auditrices en ligne. Allô ? Bravo, des gonzesses, tant mieux. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom ? Valérie.